J'écoute marcher dans mes jambes la mer morte vague par-dessus tête. Enfant, la jetée, promenade sauvage. J'écoute marcher. Enfant, homme sauvage. J'écoute l'illusion dans les bois, la jetée, promenade sauvage. J'écoute dans les bois, marche l'illusion, en pleurant. Homme, l'illusion, imité. Des yeux purs. Dans les bois. Cherche en pleurant. La tête habitable.